Il était une fois un loup qui aimait bien les enfants, surtout avec du ketchup. C'était un méchant loup. Il avait de grandes griffes pour attraper les enfants, et aussi les grands, pour déchirer leurs habits, leurs maillots, leurs culottes, leurs pulls, leurs manteaux, leurs chaussures, et surtout pour leur couper la tête. Il avait aussi de grandes dents pour manger les enfants, et aussi les grands. Il les mangeait tout crus, avec leur sang. Il mangeait même les os. C'était vraiment un méchant loup. La la. La la. La la. La la. La la. La la. Un jour, il rencontra Pierre et voulut le manger. Mais Pierre n'avait pas peur du loup, car il avait de gros muscles et une corde. En plus, il était très malin. Comme nous, il connaissait l'histoire. Il demanda à un petit oiseau de voler au-dessus de la gueule du gros animal. Pierre attrapa le loup par la queue et lui demanda : Hé, le loup, tu as des petits-enfants ? Le loup répondit : Oui, j'ai 5 louveteaux qui m'attendent dans ma tanière au milieu de la forêt. Ils ont faim et ils m'attendent pour te manger. Tu ne peux pas me manger ? Qu'est-ce que vont dire mon papa, ma maman, mon grand-père, le canard, le petit oiseau et le chat ? Dit Pierre. Mais moi j'ai faim, répondit le loup. Et mes louveteaux, ils ont faim aussi. J'ai une idée, cria Pierre. On va aller chez le boucher. Il te donnera un bon gigot de mouton. Mais il faut promettre de ne plus manger les enfants, ni les grands-mères. D'accord, répondit le loup. Mais toi, tu me promets que le boucher me donnera un bon gigot tous les jours ? Entendu, dit le garçon. Allons chez le boucher. Depuis ce jour, le loup ne mange plus les enfants, ni les grands, ni les canards, ni les petits cochons. Et si l'on se promène dans la forêt, près de la tanière du loup, on entend les louveteaux chanter et jouer de la musique.